Qu'est-ce qui vous fait jouer? Est-ce la vie qui vous apprend à jouer ou jouer qui vous apprend à vivre? Le théâtre, le cinéma, la vie, tout va ensemble, disait Michel Piccoli, qui vous raconte ses premiers pas sur scène le jour où il a attrapé le virus. C'est le terme qu'il emploie, le virus de la comédie bien sûr. Vers l'âge de 9-10 ans, j'étais dans une pension et le professeur de français et les autres professeurs organisaient tous les années un spectacle avec les élèves. Et là, je me suis aperçu que, enfin parlant devant les adultes, racontant une histoire qui, soi-disant, ne me concernait pas, mais elle me concernait, puisque ça s'appelait « L'habit merveilleux du roi », l'histoire de trois voleurs qui faisaient un costume merveilleux pour le défilé du roi, et en fait, ce costume n'existait pas, et le roi a défilé tout nu. Et je jouais le premier voleur. Donc, j'étais déjà un cabotin né, très heureux d'être le premier. Et après la présentation, ma mère, très bouleversée sans doute, m'a dit « Mais tu n'as pas eu peur ?» Et je lui ai dit « Au contraire. » Sans doute parce que cet enfant muet et secret que j'étais a découvert peut-être de raconter un peu de sa vie aux autres. Voilà comment est né ce virus dans ma tête. Et c'est seulement, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans, peut-être 25 ans après, que j'ai commencé à me rendre compte ce qu'était ce fil rouge qui m'a guidé vers ce métier. Est-ce un métier ? Oui. Et en même temps, ce n'est pas un métier. Alors, c'est compliqué. Bonjour Dominique Blanc. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin depuis chez vous. Je suis très heureuse de terminer cette semaine autour de Michel Piccoli. En votre compagnie, vous êtes comédienne et pensionnaire à la Comédie Française. Vous avez travaillé avec Michel Piccoli à de nombreuses reprises. Quelle émotion d'entendre sa voix aujourd'hui. Ah oui, c'est une émotion très forte. Je dois dire que on ne s'habitue pas à son absence et je pense qu'on ne s'y habituera jamais. En tout cas, moi, je ne m'y habituerai jamais. C'est un personnage, c'est une personne qui a tellement compté dans ma vie comme partenaire, comme cinéaste et comme ami. Mais enfin, on aura l'occasion probablement d'en parler plus en détail. Mais c'est un manque. Et heureusement qu'il y a les images et heureusement qu'il y a encore sa voix et sa pensée. Il disait dans l'archive que nous avons entendue, c'était une archive de février 2002, À voix nue, une série d'émissions diffusées sur France Culture. Il raconte ses débuts sur scène, comment il a attrapé le virus de la comédie. Et puis il s'interroge, vous l'avez entendu, il dit mais jouer la comédie, est-ce un métier? Oui et non. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oh là, moi je pense que c'est un vrai métier, vraiment. C'est un métier très très étrange, c'est probablement le seul métier qui est ainsi parce que c'est un métier qui navigue en permanence entre le réel et la fiction ou le réel et le virtuel et il est très difficile de s'y retrouver. Donc c'est un métier qui peut frôler la folie, les angoisses, le vide intérieur et tout ce qu'on sait. Mais bien sûr que c'est un métier au théâtre avant tout. Enfin en tout cas moi c'est là que j'ai commencé et je crois que c'est là où Michel Piccoli a commencé aussi. C'est un métier de don parce qu'en fait on est en représentation mais on donne à voir et on donne à entendre. Et puis, il y a toute forme de ce métier que peuvent être le cinéma, la télévision, les lectures. Mais enfin, pour moi, si vous voulez, les racines, c'est et ce sera toujours le théâtre. Et je crois que la singularité de Michel Piccoli, qui a été soulignée par Brigitte Salino dans le Monde, c'est qu'il a eu une carrière au cinéma exceptionnel, mais il a eu aussi une carrière au théâtre exceptionnel. Ouais. Et c'est le seul de sa génération à avoir ce curriculum vitae qui est absolument incroyable. Alors comment est-ce que vous parvenez à définir le jeu de Michel Piccoli? On a passé la semaine ici sur les chemins de la philosophie à en parler, à l'étudier à travers différents films, que ce soit Le Mépris de Godard, La Grande Bouffe de Marco Ferreri. On a essayé d'envisager différents films, différents univers. On va en voir ensemble aussi aujourd'hui. Mais est-ce que vous arrivez à mettre des mots sur ce qui fait la spécificité du jeu de Michel Piccoli? Oui, bah, je dis oui, mais je vais essayer. Mais c'est difficile, c'est ça qui est étrange. Il y a des comédiens, on y arrive tout de suite, et lui, on a du mal. Oui, c'est vrai. En même temps, voyez, j'ai revu il n'y a pas longtemps justement Le Mépris, justement Max et les Ferrailleurs, et c'est donc des époques proches, et moi je l'ai connu beaucoup plus tard. Donc je dirais que c'est un jeu qui a évolué, évidemment, mais c'est un jeu extrêmement économe, sans effet, sans, comment on peut dire, sans complaisance, qui ira toujours dans le nerf du texte pour vous faire vibrer ou pour vous apitoyer, enfin bon, quel que soit ce que doit ressentir le partenaire. Et en y pensant l'autre jour, je me disais que ce qu'il caractérise, parce que j'ai joué au théâtre avec lui aussi, c'est un comédien qui est toujours à l'affût, voyez? C'est-à-dire que qu'il soit sur scène, devant ou derrière la caméra, il semble toujours être à l'affût. Qu'est-ce que C'est-à-dire ça veut dire à l'affût? à l'affût, je dirais. Il y a quelque chose d'animal dans son jeu aussi. Bon, il y a une présence et une charge érotique certaine, mais en dehors de ça, si vous voulez, le jeu est extrêmement intelligent, il est extrêmement maîtrisé. Et je pense qu'il ira toujours dans le nerf du texte, ça c'est évident. Et puis, son jeu est un jeu libertaire, c'est-à-dire que c'est un jeu qui ne connaît pas de frontières à la folie, au non-sens, à l'absurde. Il est évidemment tout à la fois tragique et comique, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a, il a une échelle de jeu, si vous voulez, Oui. qui est à l'infini. En fait, c'est exactement ça. C'est à l'infini. J'ai lu des poèmes de René Char avec lui. On a fait ça pendant quelques années. Et c'est un jeu qui est incroyablement riche. Voilà. Il y a une diversité, si vous voulez, de propositions. Quand vous jouez au théâtre avec lui, par exemple, pendant 2 mois, comme j'ai pu le faire, eh bien, d'un soir à l'autre, la proposition qu'il vous fera en face de vous ne sera jamais la même d'un soir à l'autre. C'est une intelligence, c'est une acuité, c'est une écoute extrême de l'autre. Je crois que le facteur écoute est extrêmement important, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui parle peu dans la vie, et vous remarquerez qu'il parle peu au cinéma aussi, mais il écoute de façon tout à fait prodigieuse. Et finalement, en écoutant l'autre, c'est-à-dire le partenaire, il va quelque part un peu vous, pas vous manger, parce que si vous disparaissez, ça va l'ennuyer beaucoup, mais il va vous happer, voyez? Je sais pas si je suis claire. Si, Il y a si. quelque chose du, c'est un chasseur finalement, quelque part. C'est un chasseur solitaire. Quand on parlait des choses de la vie de Claude Sautet, mardi, c'était, Oui? on avait rappelé l'anecdote selon laquelle, lors d'une scène face à Romy Schneider, Michel Piccoli n'arrivait pas à jouer parce qu'il veillait trop sur Romy Schneider. Il avait peur que celle-ci n'arrive pas à jouer. Ça avait complètement brouillé la scène sur le moment jusqu'à ce que Claude Sautet lui dise « Mais pense à ton rôle et pas seulement à celui de ta partenaire. » Et ça semble être quelque chose de caractéristique qui va avec ce que vous êtes en train de dire, Dominique Blanc. Oui, tout à fait, tout à fait. J'imagine tout à fait la scène dans Les choses de la vie. Il y a une grande empathie, il y a une grande bienveillance. Je pense qu'effectivement le cabot, ça n'est pas lui. Les effets de manche, ça n'est pas lui non plus. C'est direct. Et quand il est en empathie avec le partenaire, c'est ce que vous racontez dans Les choses de la vie, tout à fait. Alors, vous le rencontrez en 1983, n'est-ce pas, au Oui. cours d'une pièce de théâtre mise en scène par Luc Bondy qui s'appelle Terre étrangère. Vous vous souvenez de votre première rencontre? Oh là là, oui, c'était terrible. C'est vrai? Terrible! Pourquoi donc? Terrible. Mon Dieu, j'étais totalement intimidée, mais voyez, la petite souris mi microscopique, et je me trouve face à ce géant du cinéma, et sur son visage, si vous voulez, me viennent en permanence tous les films qu'il a fait, bien évidemment les films de Sautet, mais Ferreri, mais Godard, mais tout ça. Et donc j'ai un petit peu de mal à parler quand même. Je suis quelqu'un de plutôt, comment dire, à la fois timide, sauvage et réservé. Ça vous donne une idée. Et c'est compliqué. Or, la première fois que je le vois, nous sommes pratiquement d'emblée sur le plateau de répétition au Théâtre des Amandiers à Nanterre, avec Luc Bondy, Luc qui est un personnage extrêmement extraverti, joyeux, fou de nous. Piccoli est mon amant, je suis sa maîtresse, il est marié, je suis mariée. Et Luc Bondy nous demande d'emblée une extrême intimité physique. Enfin, comme si Piccoli devait me renverser sur la table de jardin, etc., etc. J'étais terrorisée. Oui. Vraiment, je ne savais pas quoi faire. Mais j'avais, une supériorité. C'est-à-dire que je connaissais mon texte et Piccoli ne le connaissait pas. Parce qu'il jouait, à ce moment-là, il tournait la nuit avec Lelouch. Donc, je lui ai arraché son texte et nous avons fait ce que le metteur en scène m'a demandé. Et bon, qui était quand même une certaine audace. J'étais vraiment confuse à la fin. Et il est venu me voir et avec une extrême élégance, il m'a dit, écoutez, si jamais dans le jeu, je devais faire quelque chose qui vous contrarie, qui vous gêne ou qui vous embarrasse, surtout, dites-le-moi. Est-ce que ça n'est pas le rêve d'avoir un partenaire comme ça? C'est extraordinaire. Il me vouvoyait, il semblait être aussi timide et embarrassé que moi, ce que je ne pouvais pas imaginer, puisqu'il avait tenu dans ses bras les plus belles comédiennes du 7e art. Et il y avait cette humilité, cette humanité si simple. D'autant que ce que vous dites, y compris la scène que vous avez dû jouer avec lui et tout ce que vous dites de son jeu, renvoie aussi la dimension hautement érotique du fait de jouer la comédie. C'est du moins ce que pense Patrice Chéreau. D'abord, le travail des comédiens avec un metteur en scène, de metteur en scène avec les comédiens, c'est un travail très hautement érotique, j'ai envie de dire, même si c'est dans une chasteté totale. Et le rapport au théâtre et au cinéma aussi, avec la proximité au cinéma et avec l'exposition au théâtre, c'est-à-dire le fait d'être sans filet, ce sont des corps qui sont devant... Alors regardez Phèdre, ce sont des corps qui sont devant des spectateurs. Donc il y a un échange qui tient du désir physique aussi. Oui, prince. Je languis, je brûle. Pour Thésée, je l'aime. Non point tel que l'ont vu les enfers. Volage, adorateur de mille objets divers, qui va du dieu des morts déshonorer la couche. Mais fidèle, mais fier, et même un peu farouche, charmant, jeune, traînant tous les cœurs après soi, tel qu'on dépanne aux dieux, ou tel que je vous vois. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de Michel Piccoli cette semaine, aujourd'hui, en compagnie de Dominique Blanc, dont vous venez d'entendre la voix. C'était dans le rôle de Phèdre en 2003, mise en scène par Patrice Chéreau, qui expliquait en quel sens le travail entre le metteur en scène et l'acteur était toujours un travail érotique. Vous souscrivez à cette affirmation? Ça doit être assez pesant quand même, Dominique Blanc. Pesant, mais pas désagréable. Non, certes, mais tous les jours. Avec Patrice tous les jours, c'est certain. Ah oui. Mais disons qu'on parle de deux personnages, Patrice Chéreau et Michel Piccoli, qui avaient chacun l'un et l'autre et différemment une charge érotique, émotionnelle, je dirais, très forte, que ce soit au cinéma ou que ce soit au théâtre. Pour Patrice Chéreau, c'était aussi dans la vie. Mais finalement, Michel Piccoli, c'était dans la vie aussi, c'est-à-dire une espèce de séduction naturelle dont Piccoli n'abusait jamais, dont Chéreau jouait, donc il y avait une différence. Et donc on était pris au piège ou pas, attrapé ou pas. C'était quelque chose qui pouvait bien évidemment être un facteur de plus qui pouvait aider. Ou pas. Si vous voulez, sur Terre étrangère d'Arthur Schnitzler, où on était censé être amant, et il y avait c'était pendant une réception, donc il y avait une scène comme ça qui était en cachette, je dirais. Mais c'était ça, hein, c'était l'envie de faire l'amour qui liait les deux personnages. Donc évidemment, faut jouer avec ça. On s'embrasse, on se cache. La scène dure 5 minutes, mais la charge érotique est là, évidemment. Et avec Chéreau, c'est exactement pareil, sauf que Chéreau savait qu'il était irrésistible aussi bien avec les hommes et avec les femmes. Mais enfin, ils ont raison dans le sens que notre métier est comme ça et que moi, quand je jouais Phèdre, j'étais comme ça. Comment est-ce qu'on peut dire ça de façon simple? J'étais envoûtée, si vous voulez, par le désir physique. On peut pas le dire autrement. Mais ça veut dire que jouer, c'est forcément être dans la séduction. Non, pas du tout. Non, mais c'est pour ça que je pose la question, oui. Oui, vous faites bien, pas à chaque fois. Mais je pense que jouer, c'est quand même être dans le désir. Ça, c'est évident. Donc, c'est dans son propre désir ou dans le désir de l'autre, et ça, ça se décidera, si vous voulez, pendant les répétitions. Mais ce qui, moi, m'a transportée dans Phèdre, c'était que tout d'un coup, on entendait le désir féminin. Mais le désir féminin au XVIIe siècle, en alexandrin, et il était physique, évidemment, et avant tout. Et interdit dans Phèdre, surtout. Et interdit, bien évidemment, puisque ça allait jusqu'à ce que je découvre ma poitrine, et plus si affinité, enfin je plaisante, ouais. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et ce désir-là, vous arrivez à le nommer, qu'est-ce que vous désirez quand vous jouez? C'est compliqué. C'est compliqué, c'est difficile et ça varie avec les années, hein, bien évidemment. Je crois que maintenant, à l'âge que j'ai, je suis dans le désir de transmettre, je suis dans le désir de donner. Et ce dont j'ai envie, ça n'est plus forcément d'être écouté, regardé, admiré, etc. C'est d'être partagé, voilà, et d'être entendu, d'être écouté. Voyez, là, vous me faites écouter Phèdre, ça me met dans un état pas possible. C'est un flashback d'une violence inouïe. Mais je crois que ce dont j'ai envie actuellement, enfin maintenant, c'est vraiment ça. Alors attention, un autre flashback va arriver. Cette fois-ci, on va remonter en 1990, année de sortie de Milou en mai, le film de Louis Malle, où vous retrouvez Michel Piccoli. Voici le pitch du film par Michel Piccoli lui-même. Ah, magnifique. Milou en mai, c'est l'histoire d'une famille. Dans cette famille, il y a une mère qui meurt dans une propriété, une sorte de cerisier de la province française. Cette mère vit avec son fils qui est un poète rêveur qui pense aux abeilles, qui vend son coraux parce qu'il faut refaire le toit du château. Il aime la nature, il aime beaucoup les dames, il aime beaucoup les enfants. Sa mère meurt et c'est le début de la fin de sa vie. Arrivent là-dessus les événements de 68, arrive toute la famille pour l'enterrement et se partager l'héritage. Et entre la querelle de l'héritage et la panique de cette révolution qui va faire amener les Rouges aux portes de Paris, c'est l'exode. C'est l'exode mental et l'exode physique, les gens fuient. Il n'y en a qu'un qui ne fuit pas, c'est le personnage de Milou, qui est un peu un cousin germain du personnage de Gaïef dans La Cerisaie. C'est un homme qui a l'âge d'être grand-père et qui est resté dans l'enfance. Et quand on veut faire disparaître cette propriété, il dit « vous ne me priverez pas de mon enfance ». Et quand son neveu, qu'il aime beaucoup, vient de Paris pour expliquer qu'enfin les hommes vont s'aimer grâce à cette révolution, il dit « mais ça va être magnifique ». France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Adèle Van Rett. On a envie de croire, Dominique Blanc, que Michel Piccoli, c'est Milou, non, Milou en mai, qu'en fait, ce sont une seule et même personne. Est-ce que je me trompe en disant ça? Est-ce que ça n'a rien à voir? Ou c'est quand même une affinité entre le personnage et l'acteur? Bonne question. Je pense qu'il y a une affinité entre Milou et lui, comme avec ce personnage de La Cerisaie qu'il a joué, dont il parle. Ouais. Mais le personnage, enfin la personne, si vous voulez, Piccoli, est à mon avis bien plus étrange, bien plus mystérieuse que ne l'est Milou, je pense. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est cette part d'enfance, ça c'est évident. Parce que quand j'ai rencontré Piccoli, et puis au fur et à mesure des années, ce que j'ai pu constater, c'est que quel que soit le support, donc cinéma, théâtre, récital poétique, ce qui a été préservé chez lui de façon tout à fait extraordinaire, c'est la part d'enfance, ça c'est sûr. Cette espèce de joie, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans la joie, dans la gourmandise, dans l'humour. Bon, il est extrêmement drôle, il est très très farceur, et sur Milou en mai, il est dans un état de bonheur permanent, quoi, vraiment, comme partenaire, comme personne, il est très très heureux, c'est évident. Très heureux de retrouver Louis Malle, très heureux de ce projet, très heureux dans sa vie privée probablement, et donc il est dans un état de liesse, je peux pas dire autrement, dans un état de liesse permanent. Voilà, je ne l'ai jamais vu se fâcher sur ce tournage. C'est la première fois que vous le retrouvez au cinéma, je crois, lors du tournage de Milou en mai. Oui, oui, oui. Et ça change par rapport à ce que les rencontres au théâtre? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Est-ce que le Piccoli acteur de cinéma est le même que le Piccoli acteur de théâtre? Alors, oui, je pense que c'est le même. Ce qu'il y a, c'est que dans Milou en mai, nous allons nous trouver pendant 2 mois les uns avec les autres, les uns un peu sur les autres, puisque on est logés tout autour de cette cerisée. Et donc, on est dans une intimité que moi, je n'ai pas connue, si vous voulez, quand il était au théâtre. Mais il est peut-être plus décontracté comme partenaire au cinéma, peut-être plus décontracté parce que moins de problèmes de texte, moins de choses à retenir, peut-être plus léger au fond. Vous voyez, c'est vous qui me faites découvrir ça. Il est plus léger. Et puis moi sur Milou en mai, je suis extrêmement angoissée parce que je suis une traqueuse, donc. Je lui demande régulièrement quand est-ce qu'il a le trac, et il va me dire, ce qui me surprendra toujours, que lui, il a le trac le premier jour à la première prise, puis après, il s'en fout. Il a plus le trac du tout. Et voilà. Et c'est cet état d'invention et de liberté, si vous voulez, que je retiens sur Milou. Où là, pareil, il va s'inquiéter de tout le monde, faire le pitre à l'occasion, déconner, évidemment, déconner. Mais toujours dans une certaine rigueur, bien sûr. Au sujet du trac, Michel Piccoli raconte « Faire vivre un texte a toujours provoqué en moi un plaisir inouï. Mm-hmm. C'est peut-être la raison pour laquelle je n'ai jamais vraiment eu le trac, un trac paralysant qui contracte et ne produit plus que du tourment. J'ai toujours été comblé et content de faire mon métier, jamais vraiment inquiet. Il m'est parfois arrivé de jouer avec des partenaires qui, eux, étaient angoissés, alors moi aussi j'étais inquiet, leur inquiétude était contagieuse, je la vivais comme étant aussi la mienne. » Il existe un lien qui se communique mystérieusement entre votre partenaire et vous. Mais je ne sais pas s'il faut parler de trac, mais parfois on ressent une sorte d'angoisse. Quelque chose qui noue le ventre et la gorge, les gestes et les regards. Il y a les acteurs chez qui l'on perçoit immédiatement la jouissance, et puis il y a les autres, pour qui ce n'est pas une jouissance, mais au contraire de l'angoisse. Mmh. Vous vous situez de quel côté, vous, la jouissance ou l'angoisse, Dominique Blanc? Je dois dire que maintenant, ayant apprivoisé quelques démons, c'est la jouissance. Mais je peux jouer avec quelqu'un qui sera très angoissé et je peux ne pas me laisser imprégner par son angoisse. Voilà. J'ai rarement vu le trac chez Michel, c'est tout à fait juste, chez Piccoli, pardon. Je l'ai vu juste une fois, c'était assez spectaculaire. On devait lire René Char pour la première et la dernière fois au théâtre de l'Odéon qui était plein, rempli d'étudiants. L'entrée était libre, tout était gratuit. Et là, derrière le rideau, je l'ai vu, il était très très pâle. Mais c'est la seule fois où je l'ai vu. Parce qu'autrement, effectivement, il est dans la jouissance, il est dans la joie, il sait que c'est un métier magnifique. Il l'exerce comme il l'entend, et ça c'est très contagieux aussi. Et évidemment, quand vous jouez la comédie avec quelqu'un qui est comme ça, votre trac s'envole, vous n'avez plus peur du tout. Et d'ailleurs, il distingue dans l'extrait que j'ai lu, on trouve ça dans un livre qui s'appelle « J'ai vécu dans mes rêves » de Michel Piccoli, qu'on trouve aux éditions Grasset. Il distingue le trac de l'angoisse, comme si le trac, c'était d'avoir peur de faire quelque chose de précis, oui. De lire un texte. Et l'angoisse est beaucoup plus existentielle, au fond. Tout à fait, tout à fait. Alors, moi, le trac, si vous voulez, je l'ai toujours. Quand je vais jouer Phèdre ou Agrippine aux Français, je l'aurai. Mais je l'aurai, le petit quart d'heure avant. Voilà. Et en même temps, j'adore ça parce que si jamais j'avais un jour plus le trac, il est probable que je décrocherais. Mais je mets l'angoisse à part, effectivement. L'angoisse existentielle, mais qui n'a rien à voir quelque part. On va écouter un autre extrait, enfin un extrait de Milou en mai, parce que finalement on a entendu le pitch par Michel Piccoli, mais pas le film lui-même. Oui. Je vais vous proposer de choisir d'ailleurs, vous allez avoir le choix. Est-ce que vous voulez qu'on entende le début du film avec les abeilles, qui est une scène assez extraordinaire et qui présente Michel Piccoli, ou une scène qu'on trouve un peu plus loin, qui est quasiment au milieu du film, où finalement le personnage que vous incarnez va proposer à la famille qui est réunie de faire l'amour un peu au hasard avec n'importe qui? Qu'est-ce que vous choisissez? Oh, la deuxième, allons-y. Allez, c'est parti. Ce qui a toujours manqué aux grands, réformateurs sociaux, c'est la pilule. Enlevez à l'amour sa nécessité génétique et vous n'aurez que le plaisir pur, sans arrière-pensée, c'est-à-dire le bonheur. Oh. Bravo. Il faudrait apprendre à ne plus avoir honte de l'amour physique. Ben oui. Deux corps nus qui se donnent du plaisir qu'il y a-t-il de plus beau. Il faudrait apprendre à faire l'amour devant les autres. Ça changerait tout. C'est vrai. Oui, oui. Très, très bonne idée. Et on commence tout de suite. Voilà. Nous allons écrire nos noms sur les bouts de papier. Les hommes ici, les femmes là. Et on tire un couple au hasard. D'accord? Et alors? Et alors, ils feront l'amour tout de suite. Ici. Devant grand-mère? Oh, grand-mère, maintenant. Voilà, moi, je suis prête. Moi, je suis volontaire. Il faut que je rentre. Maman est toute seule. Non, toi, tu restes ici. Tu vas pas t'en aller maintenant. Alors? Personne? Eh bien, monsieur Grimaldi, puisque nous sommes seuls, nous commençons quand vous voulez. Je vous en prie. Après vous. Très bien. Vous m'aidez? J'arrive. Va te coucher. Non. Je crois que la maison est sauvée. Bandé, monsieur Grimaldi. Ça va venir. Je vous ai entendu rire, Dominique Blanc, à l'écoute de cet extrait. Ah oui. Ah oui, écoutez, ça a été vraiment, alors je dois dire, une grande partie de plaisir, il n'y a pas d'autre mot. C'est une scène qui a été tournée, évidemment, plutôt très, enfin, sérieusement, mais avec beaucoup de joie de la part de tout le monde, à la fois des comédiens et à la fois de l'équipe, bien évidemment. C'est Bruno Carrette hein, qui joue Monsieur Grimaldi, je le précise. Et voilà, c'est Bruno Carrette qui était absolument magnifique et qui a disparu 2-3 mois après le film. Mmh. Le film lui est dédié d'ailleurs. Mais ce qui était formidable, c'était que la veille, j'étais allée voir Louis Malle en éclaireuse et je lui avais dit, tu sais, Louis, je suis extrêmement pudique et tout d'un coup, me déshabiller devant tout le monde, je sais pas si... voilà. Et alors, pour résumer la chose, Louis a été d'une délicatesse extrême. On a tourné d'abord sur le groupe qui était très excité et puis ensuite, Louis Malle a envoyé toute l'équipe à la cantine et j'ai tourné très calmement avec un Bruno Grimaldi qui était merveilleux. Voilà. Parce que je précise que le film raconte l'histoire de mai 68, mais non pas du point de vue de la Sorbonne ou des journalistes parisiens. C'est qu'on est dans cette maison où la mère vient de mourir et donc toute la famille se réunit pour savoir ce qu'on va faire de cette maison. Au fond, c'est ça l'enjeu. Et vous incarnez Claire, qui est un personnage assez étrange, assez antipathique d'ailleurs, qui arrive, qui sourit pas et qui vient avec une femme dont on comprend que c'est sans doute sa petite amie, mais qui a sa copine. Voilà, c'est ça, mais qui à ce moment-là du film, bah on le voit, elle veut offrir son corps au fond et elle accepte de se faire caresser les seins par un homme et on sent qu'elle veut là cette fois-ci, elle veut capter le désir, mais de manière presque vous employez la métaphore de la chasse. Là, il y a quelque chose aussi d'elle qui veut à tout prix savoir qu'elle suscite le désir chez cet homme, oui, que pourtant elle-même ne désire pas d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est le... On en revient au désir toujours et au désir qui est le moteur. En 68, c'est vrai aussi que les gens étaient persuadés que les tanks russes allaient arriver dans Paris. Enfin, il faut se remettre dans l'époque. C'était quelque chose de totalement fou. Il y a beaucoup d'humour derrière tout ça, bien évidemment, derrière le scénario. Louis Malle en avait beaucoup. Et puis, c'est une façon de se moquer des siens et probablement de nous tous, qui était tout à fait, comment est-ce qu'on peut dire, contagieuse, enfin magnifique, quoi. C'est vrai que les gens ont vraiment cru que les Russes allaient arriver dans Paris, enfin, etc. Mais ce qui est beau, c'est de voir que le film marche encore aujourd'hui, dans un contexte tout à fait différent. Oui. Se dégage une sorte de grande gaieté, au fond. C'est l'adjectif qui convient le mieux à ce film. Oui, tout à fait. Et alors, curieusement, ou pas d'ailleurs, il a été beaucoup revisité pendant le confinement. Et je pense que c'est un film qui a peut-être été sous-estimé à sa sortie, mais à qui le temps fait du bien. Parce que il vieillit incroyablement bien, ça c'est évident. Et puis ces personnages sont pathétiques, enfin ils sont très drôles, mais ils sont aussi pathétiques. Il y a des moments où c'est des marionnettes, quoi. Le frère de Piccoli qui est incarné par Duchossois, Michel Duchossois, ouais. le couple des deux Michel est exceptionnel. Enfin c'est tout le monde, vraiment. Alors avant d'en venir à l'autre type de relation que vous avez eue avec Michel Piccoli, qui est celle de directeur d'acteur à oui. comédienne, oui. eh bien je vous propose d'entendre la voix de Louis Malle, justement, qui parle du tournage et qui lui-même parle de la difficulté parfois de diriger des comédiens. Et bien souvent, ce sont eux qui prennent le pouvoir. Écoutez-le. Milou en mai, c'est... disons que c'est un film dont moi, personnellement, je suis très fier, je suis très content de l'avoir fait. C'était un film difficile et assez risqué parce que maniant le double ton tout le temps, qui dépendait énormément de performances d'acteurs. C'était, disons, très, très facile à rater. Et au fil des années, au fil de ma carrière, je suis de plus en plus convaincu que ce qui est le plus important dans un film, c'est pas ceux comme nous, metteurs en scène et techniciens, qui sont derrière la caméra, mais ce sont les acteurs, parce qu'à un moment donné, on dit moteur, ils sont devant la caméra et c'est eux qui prennent en charge le film complètement. C'est que finalement, il y a toujours ce moment-là où le metteur en scène doit faire confiance aux acteurs et en quelque sorte leur passer le film, leur donner le film, et c'est à eux de le faire exister. Ouais. Est-ce que c'est à l'acteur de faire exister le film, Dominique Blanc ? Oh oui, oui, oui, je crois. Je crois dans... Enfin, pas uniquement. Mais si on devait parler de Milou en mai, c'est évident qu'on s'est... on a pris possession de cette histoire, quoi. Cette famille Vieuxac, c'est devenu la nôtre. On a répété une semaine avant que le tournage ne commence dans la maison. Et la famille s'est faite dans cette semaine d'essais, de répétitions, d'approche finalement, vous voyez. Et on s'en est véritablement... complètement emparé, ça c'est évident. Mais enfin, bon, Louis Malle dirigeait, mais c'est vrai qu'on chacun a pris possession de son personnage. Mais moi, j'ai joué, si vous voulez, pardon, j'ai joué Claire, comme ça, en faisant mauvaise figure, en boitant, etc. Puis des années après, je me suis dit, mais c'est drôle, parce que ton personnage de Claire, en fait, c'est la sœur de Macha dans La Mouette. Et je ne m'en étais pas rendu compte, vous voyez. C'est-à-dire ? Ah bah c'est ce personnage qui est très noir, fâché avec tout le monde, incroyablement solitaire, qui boite, qui est amoureuse et dont l'amour ne sera jamais connu en retour. C'est cette solitude qui décale dans cette famille bourgeoise, vous voyez. C'est quelqu'un qui devait être une virtuose du piano et puis elle est passée à côté. Donc elle est elle aussi très proche de Tchekhov. De toute façon, Tchekhov était un peu notre... On s'en rendait pas compte à ce moment-là. Mais je pense que c'est un... Moi, je m'en suis rendu compte des années après. C'est un fantôme qui a veillé sur nous avec beaucoup de... Comment dire ? De sagesse. Tchekhov connaissait très bien les acteurs et les actrices, oui. Et il les aimait. Oui. Il a beaucoup écrit à ce sujet. Absolument. Et vous voyez quelqu'un comme Schnitzler aussi, qui est comme Tchekhov, médecin, et qui a vécu avec beaucoup de comédiennes, ou une comédienne, je ne sais plus, on peut pas savoir. Mais c'est des hommes qui avaient un goût de l'humain, enfin, de l'humanité dans toute sa splendeur et sa fragilité aussi, bien évidemment. Et comment fait-on en tant que comédienne, là c'est à vous que je pose la question, et puis on pourra la retourner à Michel Piccoli en essayant de deviner ses réponses, pour composer, puisque vous insistez sur la dimension de désir, la dimension érotique, on en parle depuis le début de cette émission qu'il y a dans le jeu. Oui. Quand on est dirigé, et le terme est-il bien employé, je ne sais pas, hein, par quelqu'un, par un metteur en scène, est-ce que c'est une manière aussi d'être soumis dans son désir, de jouer avec le désir qui passe par le regard du metteur en scène ou de la metteur en scène? Est-ce que c'est vraiment une affaire de désir? Auquel cas, c'est très compliqué alors d'être une comédienne qui, au service d'un rôle et au service d'un regard qui est celui du metteur en scène. Mais disons que oui, cette histoire de désir, mais dans l'idéal, le désir n'a lieu que sur le plateau, si vous voulez. C'est-à-dire que le désir de l'autre, le regard de l'autre est quelque chose qui va vous inspirer. Enfin, moi, je sais que ça m'inspire. Donc, ça me donne des ailes. Il y a un moment où je me dis, s'il avait voulu dans la scène que j'enlève ma jupe et le reste, il est probable que je l'aurais fait. Vous voyez? Parce qu'il y avait un regard de Louis qui était un regard à la fois bienveillant, évidemment, protecteur, mais aussi séducteur, aussi... voilà, il avait cette délicatesse-là. Alors, ce qu'il faut, et ce qui est compliqué, c'est pas... ne pas mélanger les choses du théâtre et du cinéma, ne pas les mélanger avec les choses de la vie. C'est ça qui est très compliqué. Oui. Mais je pense qu'avec les années, on arrive à le faire, ce qui n'empêche pas les blessures, ce qui n'empêche pas non plus les trahisons. Mais je pense que la difficulté de ce métier, c'est ça, c'est qu'en permanence, comment dire, la réalité, si vous voulez, frise, frôle et flirte toujours avec le fictif. Et ça, c'est ça qui est très dangereux, je crois. D'autant qu'il n'y a rien de fictif quand vous êtes en train de jouer un rôle qui lui-même inspire le désir ou le ressent, c'est oui. Pour de vrai, en fait. La frontière, elle est vraiment très poreuse entre réel et fiction. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Poreuse, ouais. Alors, il ne faut pas que ce soit votre propre peau, parce que vous y laissez... votre peau, pour le coup. Mais il faut que ce soit une autre porosité qu'on apprend à construire au fur et à mesure des années. Mais en même temps, ça n'empêche pas de tomber amoureux, et c'est tant mieux. Quel type de directeur d'acteur était Michel Piccoli ? Ah ah. Alors, Michel Piccoli était un directeur d'acteur extrêmement précis, comme son jeu, extrêmement exigeant, mais aussi, et ça il faut jamais l'oublier, très ludique. C'est-à-dire que ça devait passer aussi par la complicité, par le rire, par l'échange de blagues, par exemple sur le film Alors Voilà, si vous voulez, où il y avait un certain nombre de comédiens qui venaient du théâtre. Donc, Alors Voilà, c'est le titre du film, qui date de 1997. Oui, excusez-moi, je n'ai pas précisé. On connaît moins la filmographie de Michel Piccoli en tant que réalisateur, en fait, c'est vrai. À tort, parce qu'il a fait trois films qui sont vraiment trois films... c'est son œuvre, hein, et je pense que c'est un vrai auteur. Mais pardon, j'ouvre une parenthèse. Non, sa direction de comédien est très exigeante, mais c'est vrai qu'elle est très précise, et il ne lâche pas jusqu'à obtenir ce qu'il souhaite. J'ai revu La Plage Noire, par exemple, hier, son deuxième film, et je me suis rappelé qu'il m'avait demandé que je pleure sur une joue précise, et que je pleure d'une façon précise aussi. Alors c'est des heures de concentration, mais on y parvient, surtout quand on sait que on est regardé, si vous voulez, avec une telle précision, avec une telle acuité. Il y a jamais d'hésitation, si jamais il y a de l'improvisation, c'est lui qui va vous le demander. Et comme on sait qu'il improvisait magnifiquement au cinéma, ce qu'il ne faisait jamais au théâtre, on se dit, bon, en fait, quand je vais tourner et diriger par cet homme, il faudrait que j'aie la même liberté de jeu qu'il a. Et c'est ce que je me suis souhaité à chaque tournage. J'avais peur, j'avais un trac avant parce que j'avais peur de le décevoir. Mais une fois lancé, c'est parti, quoi. On est dans cette embarcation, dans cette navigation à travers les tempêtes, et on se quitte plus. Allô, tu m'entends? Oui, Sylvie. Et toi, tu m'entends? Oui, je t'entends, mon amour. Tu sais depuis combien de jours je suis seule, sans vous, mon amour? Non. Alors tu m'as oublié? Moi, je le sais. 89 jours. Dis, à la capitale, ils ont tout arrangé, les policiers? Parce que c'est long. Oui, je crois. Sur un petit carnet, j'écris les jours. Pourquoi tu ne veux pas que je vienne? Je voudrais tellement, mais ce n'est pas moi qui ne veux pas. Joyce m'a dit qu'elle allait tuer tous les policiers. Elle ne veut plus pleurer. Elle pleure, ma fille? Parle pas à moi, parle à maman! À moi? Tu peux tout me dire, Sylvie. Je t'aime. Là, tu parles à moi ou à maman? À toi. C'est pas vrai que tu m'aimes. Moi, je te dis tout, pas toi. On part pas voir maman, jamais. Je veux plus jouer. Appelle maman. Sylvie. Tu as une drôle de voix. Qu'est-ce qui se passe? Tu as mal? Non, je te parlerai après. Écoute, Joyce a besoin de parler. C'est pas toi qui parles. Maman, il m'avait dit que quand on reviendrait, on partirait. C'est un menteur. Calme-toi. Viens. Viens, maman, toi. C'est un extrait du film La plage noire, donc de Michel Piccoli, qui date de 2001. On vous a entendu Dominique Blanc dans le rôle de la mère de Joyce, hein, Sylvie. Mm-hmm. Joyce est jouée par Jade Fortino et le père par Jerzy Radziwiłłowicz. On a ici tout le jeu dans le jeu, parce que finalement, c'est la jeune fille qui se fait passer pour la mère, oui, pour avoir une discussion avec son père, pour faire revenir la mère. On ne sort pas du jeu, au fond. Oui, exactement. Et ça, c'est une chose qui l'enchantait. Voyez, on retrouve l'enfance qu'on a dans Alors voilà, l'enfance qu'on a dans La plage noire, et puis cette espèce de jeu dans le jeu, comme une série invraisemblable de poupées russes. Je pense que sur le plateau, il était aussi comme comédien, si vous voulez, quand je vous ai dit qu'il était aux aguets, comme réalisateur, il était pareil. C'est-à-dire qu'il y avait cette espèce de présence physique comme ça, très forte, et rien ne lui échappait. Qu'on tourne ou qu'on tourne pas. Les détails, les bribes de conversation, les plaisanteries, etc. Moi, j'avais le sentiment qu'il captait tout, comme on dit aujourd'hui. C'était très, très étonnant. Mais sur ces deux films, l'atmosphère évidemment était différente de par les sujets. Là où il a été véritablement le plus heureux pour moi, ça a été Alors voilà, parce que, enfin, il avait fait 3 minutes de film pour Amnesty International, et puis après il avait fait le court-métrage Train de nuit. Mais quand il lui a été donné de réaliser un long métrage pour la première fois, je ne l'ai jamais vu dans une telle jubilation. Ah oui. Il me disait, mais je ne pense qu'à ça, c'est terrible. Mes journées et mes nuits, je ne pense qu'à ça. Mais en même temps, il était tellement heureux, c'était incroyable. Et je l'ai entendu dire, j'aurais dû faire ça toute ma vie. Je l'ai entendu. Bon, c'est toujours délicat de faire parler les morts. Mais voilà, il a eu vraiment une, pour lui, il y a toute une nouvelle vie qui commençait. Alors, La plage noire est un sujet beaucoup plus tragique, sujet politique, beaucoup plus noir. Et le film, est évidemment beaucoup plus désespéré. C'est pas tout à fait la vie dont je rêvais. Je l'ai vu il y a longtemps, donc je saurais pas vous en parler. Des films qu'il écrivait en compagnie de Ludivine Claire. Mais la concentration, surtout la concentration, était identique sur les deux plateaux de tournage. Et puisqu'on se servi du désir comme fil conducteur pour cette discussion, quel type de désir entre en jeu lorsqu'un acteur ou un comédien décide de devenir réalisateur? Dans le cas de Piccoli, est-ce que vous avez compris? Vous dites il aurait voulu faire ça toute sa vie, c'est ce qu'il disait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Est-ce qu'il se trouve enfin au bon endroit? C'est son propre désir qui a changé? Je pense que... c'est un subtil mélange. Je pense qu'il est enfin au bon endroit, bien évidemment, parce que il procède de l'écriture et il procède de la création du début à la fin, si vous voulez. Il est au tout début de l'écriture puisqu'il écrit en compagnie de Ludivine Claire, et puis l'affaire est montée, et puis le tournage a lieu, et puis de nouveau il écrit, parce qu'on sait très bien que les films se construisent au montage. Au montage, il est aussi très très heureux, vraiment. Très heureux. Et puis le film va sortir. Et puis alors là, il y aura la promotion, tout ça. C'est des choses qui l'ennuyaient profondément. Tout ce côté, si vous voulez, commercial. Il avait du mal avec ça. Donc c'était pas vraiment ce qui lui plaisait. Mais par contre, réaliser, partir au bout du monde, La plage noire a été tournée à la fois en Pologne et à la fois au Portugal, et dans une économie financière très stricte. Presque encore plus strict que sur Alors voilà, mais il était dans un état de liesse véritablement, parce que moi je ressentais que il éprouvait encore plus sa liberté d'homme, sa liberté de créateur, voilà. Et il était à l'origine de tout. Il avait joué les plus grands auteurs toute sa vie, et là l'auteur c'était lui. Alors il s'est aidé de François Maspero pour le second film, puisque c'était un livre de François Maspero, mais au départ d'Alors voilà, le rôle devait être joué, mais alors je vous parle de ça il y a très longtemps, le rôle du voleur, en somme, le rôle principal, devait être joué par Mastroianni. Et puis ça devait être... ça devait partir du livre Voleur de poules de Knobelpiss. Et puis tout ça ne s'est pas fait, et puis tout ça s'est éteint, on va dire quelque part, et lui a repris l'idée, il a repris son idée, et il a décidé de filmer ces gens-là qu'il adorait. Mais si vous voulez, toujours dans une grande, un grand respect, déjà, beaucoup d'estime pour ces comédiens de théâtre qu'il adorait, et puis beaucoup de plaisanteries, par exemple, sur Alors voilà, il y a un plan où moi j'arrive et où je vois toute cette famille comme ça qui est autour de la table, qui font des, qui vivotent de petits trafics, on va dire en gros, pour faire vite. Et à ce moment-là, Michel vient vers moi et puis il me murmure, eh ben ce plan, j'ai décidé de l'appeler les autruches. Alors j'ai dit, ah bon, mais pourquoi tu l'appelles comme ça? Il me dit, parce que je voudrais être éclatant, un rire, mais un rire phénoménal. Alors regarde-les bien, c'est des autruches. Et puis il part, voilà. Puis il vous a dit un tout petit secret. Puis vous arrivez comme ça dans la salle à manger, puis vous les voyez tous. D'abord, ils sont tous complètement craquants. Et puis si vous pensez à des autruches, bon, bah c'est parti. Quoi, le rire, il n'arrête pas. Et c'était ce qu'il voulait. Il voulait un rire comme ça, démesuré. Alors, quel lien y a-t-il entre la jouissance que procure l'écriture et la jouissance que procure le jeu? Est-ce que dans les deux cas, c'est une affaire de création? Voici un élément de réponse, c'est celui de Marguerite Duras. Peut-être que je ne suis pas un écrivain. Parce que c'est trop traumatique, c'est trop terrible. Ce que je fais quand je fais l'écrivain. Mais ce que je me demande, c'est le passage justement, alors, de la page à la scène. Qu'est-ce que de... Mais là, à la scène ou au cinéma, je fais un travail d'écrivain. Oui, justement. Là, je rencontre, je choisis des images pour que le spectateur voit mieux, qu'il approche de telle et telle façon. J'aménage, hein, au cinéma. Mais dans l'écriture, non. Le premier mouvement brutal... Dans l'écriture, il est complètement... pas du tout distancié, enfin, il est abrupt, il est... Comme si une crise s'abattait sur moi et... Je me débats comme je peux. Je quitte très vite pour tout noter. J'avais peur de ce que j'écrivais, comme si les... Oui, comme si ça allait s'écrouler autour de moi. Je ne peux pas vous dire jusqu'où ça va, ça serait... Peut-être vous ne pourriez pas le croire. Vous disiez, Dominique Blanc, que Michel Piccoli, lorsqu'il s'était mis à écrire ses films, semblait être à la place, à l'endroit où il aurait toujours voulu être. Mm-hmm. Quand Marguerite Duras parle de son rapport à l'écriture, c'était une archive de 1974, elle était interviewée par Viviane Forrester, elle compare le rapport à l'écriture qui est quelque chose de comme une crise, dit-elle, mm-hmm. à la création cinématographique ou à la scène, où, dit-elle, elle peut aménager les choses. Est-ce que vous comprenez cette distance qu'induisent le cinéma et le théâtre quand l'écriture elle-même est dans une sorte de proximité parfois douloureuse? C'est une archive magnifique. Je ne sais pas si je peux comprendre. Ce qui est certain, c'est que j'essaye d'écouter, et ce que je me dis, c'est que ce que raconte Duras, c'est que l'écriture est un trauma. Mm. C'est ce qu'elle dit, et qu'il semblerait qu'au théâtre, ce soit différent. Je n'en suis pas si sûre en ce qui la concerne, je la connaissais pas à l'époque, mais je sais pas, il y a comme une distance effectivement avec le théâtre, c'est ce qu'elle dit, alors que l'écriture, elle est engagée tout entière. Alors, en ce qui concerne Piccoli, pour parler de l'engagement de l'homme, de l'artiste et de l'individu, je dirais qu'il était profondément engagé dans son jeu, mais aussi profondément engagé en tant que réalisateur, parce que c'était un être engagé dans la vie, et c'était aussi un être qui était au présent, toujours. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y avait pas de trauma, il n'y avait pas de souffrance, il avait balancé tout ça derrière les buissons depuis longtemps. Et donc il était dans le présent avec, je ne sais pas comment je pourrais dire, une espèce de concentration qui était un peu hors du commun. C'est-à-dire que au téléphone ou de visu, comme je l'ai dit tout à l'heure, il parlait peu, mais il était toujours et dans le présent et dans le concret. Et je pense que il a été producteur, d'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais tout d'un coup ça me revient, il a été producteur avec Mastroianni d'ailleurs, d'un film qui est qui venait d'un livre de Kadaré, je crois, Ismaël Kadaré, le général de l'armée morte, qui a été un gros fiasco financier qu'il a dû payer de ses propres sous pendant des années. Et donc, il s'est mis à faire des publicités pour les bouquins J'ai lu, je crois. Mais probablement qu'il aurait eu envie d'être à la fois producteur et réalisateur. Ça aurait été très dommage pour nous. Parce que pour moi, le cinéaste est exceptionnel, on le retrouvera, on le dira, on l'écrira, vous verrez ce que je vous dis. Ouais. Mais le comédien est vraiment, qu'est-ce que je peux dire, majuscule quoi. Je pense qu'il a marqué, mais bon. Je pense que c'est quelqu'un qui a marqué la profession de comédien de façon très très extraordinaire. Voilà. Parce que il suffit de dérouler le curriculum vitae, mais tous les auteurs avec lesquels il a travaillé, tous les metteurs en scène avec lesquels il a travaillé, on a, Dieu merci, quelques traces de ses interprétations, et on a, oh grand merci, beaucoup de traces de ses interviews, parce que c'était quelqu'un aussi qui s'exprimait dans une grande économie et dans une grande excellence. Mais je dirais qu'il a, bon, il a marqué le... Voilà, c'est un artiste majuscule. Merci infiniment, Dominique Blanc, de nous en avoir parlé ce matin. Effectivement, toutes ces archives, toutes ces interventions, c'est ce qu'on a essayé de rendre vivant cette semaine autour de Michel Piccoli. Et je suis vraiment heureuse de vous avoir entendu ce matin en parler directement. Moi aussi, c'était tout à fait remarquable et je vous en remercie. À bientôt, Dominique Blanc. On se quitte avec la voix de Michel Piccoli. Un dernier extrait, alors bouleversant, je m'en excuse par avance. Mais il aurait été trop dommage de ne pas le donner à entendre. Il s'agit de Michel Piccoli qui parle lui-même de ce qu'il aimerait voir écrit sur son épitaphe. Vous savez ce que disait Voltaire ? J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. C'est un scoop. J'y pense là à la seconde, mais quand je mourrai, il faudra mettre ça comme épitaphe sur ma tombe. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Sur une tombe, c'est magnifique, non ? Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'être le plus parfait, le plus beau, le plus intelligent et le plus drôle au monde, mais aussi l'être le plus mystérieux pour moi, ma fille. Son été qu'à l'éveil, à car. Simon, Zali, je chaye, voile, aka. Maman, songez, qui forme. Kina, teka, elle est la joie. Maman, maman. Lali, teka, monte, aka. Simon, c'est toi, teka, danser, aka. Maman, mion, mitan, l'emmé, qui forme. Kina, teka, chante, vete. Maman, maman. Alors voilà, tout a commencé le 26 octobre 2018. À minuit et 16 minutes, j'ai vu ma fille pour la première fois de ma vie. Dès que nos regards se sont croisés, j'ai tout de suite compris qui elle était, comme si ses yeux contenaient déjà tout ce qui allait se passer. L'amour fou, l'apprentissage, les rires, l'étonnement, l'énervement, les épreuves et le bonheur. Tout était là, mais rien n'était encore fait, acquis, certain. Ce qui a donc tout de suite été là, c'est cette évidence qu'il n'y aurait plus rien d'autre qu'elle. Mais alors quoi ? Les choses les plus simples, les plus évidentes et les plus nécessaires sont souvent les plus difficiles à dire, à atteindre ou à comprendre. Et c'est une question que je me pose régulièrement, si ce n'est tout le temps depuis ce 26 octobre. Comment penser, évoquer, embrasser, comprendre ce qu'est ma fille ? Alors bien sûr, c'est un être en devenir. Grâce à un savant mélange d'inné et d'acquis, de prédisposition et d'éducation, elle deviendra bien ce qu'elle est. Mais au-delà de la problématique générale sur l'enfance et sur ces êtres sans parole, quelque chose m'a toujours frappée avec elle, c'est qu'elle déjoue toujours mes a priori. Elle n'est jamais là où je l'attends. Il se passe cette chose surprenante, et c'est sûrement cela qui rend tout enfant exceptionnel aux yeux de ses parents, c'est qu'ils sont à la fois l'évidence même et la complexité incarnée. Ils sont tout sans qu'on puisse dire quoi. Ils sont nôtres sans jamais nous appartenir. Comment comprendre cette étrangeté ? Comment comprendre que ce qui nous est le plus évident nous est aussi le plus mystérieux ? Simone est pleine de bonté, elle a du chic, elle est bien faite. Place égalité. Oui, mais avouons-le bien haut, elle n'en fait jamais qu'à sa tête. Voilà son défaut. parfois cela tourmente ses amis. Mais quand on est charmante, c'est permis. Elle a des caprices de bébé et dès qu'une chose l'embête, elle la laisse tomber. Si on est comme ça, on ne la changera pas. C'est son caractère, y a rien à faire à ça. Si on est comme ça, on ne la changera pas. Elle tient à sa mère, elle tient à ton papa. La théorie est classique, Freud l'a dit, même quand il a été mal traduit. L'étrangeté se loge dans les choses, les situations et les êtres les plus familiers. J'ai dit que tout avait commencé avec ma fille le 26 octobre 2018, mais si je suis honnête, ça a commencé bien avant. Le jour où, lors d'une échographie, ma fille, que je n'avais donc pas encore rencontrée, semblait heureuse dans son liquide amniotique, suçant son pouce avec joie et force coup de pied, quand moi, j'étais au fond d'un seau de stress. Ce jour-là, j'ai saisi la différence fondamentale qu'il y aurait toujours entre ma fille et moi. Nous n'étions pas les mêmes. On avait beau avoir fusionné ou cohabité quelques mois, on ne serait jamais la même personne. Et je dois dire que loin de m'avoir tourmentée, cette nouvelle m'a profondément soulagée. Enfin, j'étais débarrassée de cette responsabilité, j'étais libre de pouvoir stresser. À moi les heures d'anxiété et d'angoisse, à elle la joie. La personne terriblement étrange et étrangère de ma propre fille me libérait, mais elle aussi par la même occasion. À moi donc les heures à jouir de mon angoisse, mais à moi aussi ces moments déconcertants face à son indépendance. Ces moments où votre enfant décide de se rouler par terre, de ne pas dormir alors qu'il devrait dormir, de ne pas sourire quand on attend qu'il sourie. Ce n'est pas qu'une question d'âge ou d'apprentissage, c'est aussi celle du lien à l'autre, qui ne repose sur rien de compréhensible, d'intelligible ou de concevable. Même chez son propre enfant, fait de sa propre chair, malgré les années ensemble, l'amour incommensurable, malgré le sentiment sincère de connaître parfaitement cet être, il y a toujours quelque chose qui résiste à sa compréhension, qui fait tenir à rien le lien qu'on a avec lui. J'ai tenté d'en parler avec des proches, mais peine perdue. Le fait de dire que son enfant nous est une personne étrangère scandalise la plupart, sinon les dépasse. À défaut de comprendre sa fille ou son fils, pourquoi ne pas accepter ou du moins entendre cette étrangeté évidente qui existe pourtant entre une mère et son enfant ? Je peux lire en voiture Simone, j'espère qu'elle aime bien que je déconne. Pas du tout comme Géraldine, qui n'aime que les plaisanteries fines. Avec elle, j'étais qu'un intérimaire. Là où j'ai une sorte de bouche-trou. Le jour où je faisais plus l'affaire, elle me disait salut, bilou, c'était tout. Simone, c'est pas une femme fatale. Voilà donc le problème. Qu'est-ce qui est inacceptable dans l'idée qu'un parent et son enfant ne soient pas les mêmes, des étrangers l'un pour l'autre ? Pourquoi est-ce si surprenant, voire dérangeant et même scandaleux que même notre fille ou notre fils ne soit pas à notre image, à notre idée ? Certes, c'est paradoxal qu'un être venu de soi ne soit pas de soi, mais lui. Mais quel lien établir avec lui si il est moi ? Comment s'étonner, aimer ou s'émerveiller s'il me ressemble ? Et comment le trouver nécessaire si on ne peut pas l'éprouver ou en mesurer la distance ? C'est souvent ce que je me dis pour me rassurer, ou au moins pour tenter d'éclairer le mystère de ma fille. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer ces émissions et croyez-moi, c'est un travail monumental. Aujourd'hui, c'était Isis Jourda en compagnie de Manon de la Selle, Clara de Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette émission, Élise Leu qui était à la prise de son aujourd'hui, qui a sauvé à sa manière cette émission, je vous expliquerai un jour. Merci au CDM de Radio France qui a permis d'assurer la liaison téléphonique avec Dominique Blanc. On se retrouve demain. Demain, je vous proposerai de redécouvrir un numéro de Profession Philosophe. Vous savez, les Professions Philosophes, ce sont ces épisodes qui, chaque semaine, donnent la parole à ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Eh bien, demain, ce sera avec Barbara Stiegler, philosophe de la biologie. Ce sera une rediffusion d'une émission enregistrée le 10 mai 2019. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission ou bien vous pouvez la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et l'équipe vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On est ravis de vous lire et de répondre à vos questions et à vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.